إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on est arrivé aujourd'hui au cours numéro 14 dans Sharh Masail al-Jahiliyah et on est arrivé au point numéro 26 aujourd'hui. Et le point numéro 26 c'est Ta'lif al-Kutub al-Batila wa nisbatuha ila Allah. C'est-à-dire que parmi les exemples de la Jahiliyah, ce que les gens de la Jahiliyah faisaient dans leur religion, c'est qu'ils écrivaient des livres qui sont totalement faux, qui contiennent des faussetés dedans, et il les attribuait à Allah subhanahu wa ta'ala. Il disait que ces livres viennent d'Allah, alors qu'ils n'ont aucun rapport avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sont pas des livres révélés. Donc, le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il dit, تصنيف الكتب الباطلة ونسبتها إلى الله كقوله فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. C'est le verset 79 dans Surat Al-Baqarah. Donc le Cheikh, il dit, ils écrivent, les gens de la Jahiliya, ils écrivaient des livres qui contiennent plein de faussetés, et ils les attribuent à Allah, comme Allah il dit dans le verset 79 dans Surat Al-Baqarah. Alors malheur à ceux qui écrivent des livres avec leurs mains et qui disent, ça vient d'Allah. Hadha min indillah. Ça, c'est des exemples. Et le Cheikh Al-Fawzan, il explique ce passage-là en disant, من آفات اليهود أنهم يؤلفون المؤلفات ويكتبونها بأيديهم ويضمنونها الباطل يضمنونها الباطل ويقولون هذا من عند الله ليحصلوا على مكافأة من الناس أو يبيعوا هذه الكتب في الأسواق وتدر عليهم أموالا وتصنيف الكتب الضالة وترويجها على الناس شرفة اليهود ومن تشبه بهم من هذه الأمة. Donc le Cheikh il dit que parmi les malheurs les malheurs que font les juifs, c'est qu'ils écrivent des livres, ils écrivent des livres avec leurs mains, ils remplissent ces livres-là de plein de mensonges et de faussetés, et puis ils disent ça c'est un livre qui vient de Dieu. Ok? Et ils font ça pour arriver à faire de l'argent avec les gens. Et vous savez combien il y a de Bibles et combien il y a de versions différentes de la Bible chez les chrétiens, chez les juifs. Et ils font ça pourquoi? Pour faire de l'argent. Hein? Pour faire de l'argent avec la Bible. Parce que d'après ce qui a été mentionné dans les palmarès ou bien quand on fait des sondages là, oui, les sondages, les statistiques ou les sondages, ils ont dit que un des livres les plus vendus au monde, c'est la Bible. Donc c'est un livre qui, ça rapporte beaucoup d'argent. Donc ils vendent ces livres-là dans les marchés, puis ils font de l'argent avec. Hein? Même s'ils savent que ce qui est écrit dans ces livres-là, c'est faux. Et un musulman, il n'a pas le droit de vendre un livre s'il sait que ce livre-là, il contient des mensonges ou des faussetés. Mais on remarque que chez certains, c'est pas grave qu'est-ce qu'ils vendent. Ils vendent n'importe quel livre. Hein? Ils vendent n'importe quel livre. Tu rentres dans certaines librairies qui sont des librairies dont les propriétaires sont des musulmans, puis tu trouves dans ces livres qu'ils vendent, dans les livres qu'ils vendent, tu trouves toutes sortes de livres qui n'ont aucune yani, authenticité, qui ne sont même pas vérifiés, des livres qui mélangent le vrai et le faux, et ils vendent ces livres-là comme étant des livres religieux. Hein, et ils ne font pas attention. Et donc, une des bonnes choses qui est apparue justement du fait que les gens ont été affectés positivement par le manhaj des salafs et par la da'wah salafiyya, c'est que maintenant, de plus en plus, les gens commencent à faire attention aux livres qu'ils achètent, aux auteurs qui les écrivent, et ils posent des questions maintenant de plus en plus. Et ils vérifient les éditions et les maisons d'édition pour savoir est-ce que c'est fiable, est-ce que c'est déjà de honnête, est-ce que c'est des gens corrects, est-ce que c'est des auteurs qui ont une bonne aqida, un bon manhaj, ils vérifient. Parce qu'à l'origine, les gens, depuis qu'ils trouvent un livre, ils lisent, quelqu'un prend un livre, il voit le titre, il trouve que c'est intéressant, il l'achète. Il ne sait pas c'est qui l'auteur, il ne sait pas est-ce que c'est un livre qui est bon, il ne sait rien du livre. Il ne sait pas si c'est un savant, il ne sait pas si c'est quelqu'un qui est sur la sunna, il ne sait pas si c'est quelqu'un qui est sur la bid'a ou rien. Il voit le livre, il a l'air intéressant, il l'achète. Et beaucoup de gens sont tombés dans l'égarement à cause de ça. Maintenant, alhamdoulilah, les gens commencent à faire attention. Les gens commencent à vérifier. Les gens commencent à chercher. Avant d'acheter le livre, avant de lire, ils demandent. Et donc ça, c'est quelque chose de positif. Et donc, on ne vend pas seulement des livres comme les juifs qui le font juste pour faire de l'argent. Ils vendent des livres d'égarement et ils les propagent parmi les gens. Et le cheikh dit que ça fait partie des métiers des juifs, de propager des livres qui contiennent des mensonges et des faussetés. Et il y en a parmi les musulmans de cette umma qui leur ressemblent. C'est-à-dire, parmi les musulmans, il y en a qui ressemblent aux juifs dans ce comportement-là et dans cette attitude-là. Ensuite, le cheikh, il dit, « والواجب على العالم حينما يكتب شيئا من العلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى ولا يكتب إلا ما وافق الكتاب والسنة لأنه مسؤول عن كتابته فلا يكتب في فتواه ولا في مؤلفه ولا في مقالته إلا ما يوافق الكتاب والسنة ولا يكتب شيئا من عند نفسه وهواه ويقول هذا من الشرع أو هذه الشريعة وما أكثر تصنيف الكتب في هذه الأيام أو الرسائل أو الفتاوى الضالة الباطلة باسم الإسلام وهذا مثل فعل اليهود فهذا ينبه المسلم الذي يريد أن يكتب أو يؤلف أو يفتي أن يتوقف عند حدود الله سبحانه وتعالى وأن يتقي الله وأن يكتب للحق وإن لم يرضي الناس ça c'est très important. Le cheikh il dit que lorsqu'un savant écrit quelque chose qui a rapport avec la science de l'islam, il doit craindre Allah subhanahu wa ta'ala. C'est obligatoire pour lui de craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Et il doit écrire uniquement ce qui est en accord avec le Coran et la Sunna. Parce qu'il sera questionné au jour de la résurrection et il sera responsable de tout ce qu'il a écrit. Donc, ça c'est n'importe quel musulman. Et c'est en particulier les ulama. Il sera questionné pour qu'est-ce qu'il a écrit. Et s'il a écrit des choses fausses, hein, il n'a pas fait attention, il n'a pas créé Allah, il sera questionné, il sera responsable pour ça. Et il ne faut pas juste penser à son péché à lui, le fait qu'il a écrit quelque chose de faux, ou il a écrit des choses contraires au Coran et à la Sunna, mais tout, il faut penser aux conséquences aussi, c'est-à-dire aux conséquences des gens qui vont être déviés ou qui vont tomber dans l'erreur à cause des choses qu'il a écrites qui sont incorrectes, qui sont contraires à la vérité. Il aura des responsabilités de ça aussi. Et il va accumuler des péchés pour ça également, pour ceux qui l'ont suivi dans l'égarement et dans l'erreur à cause du fait qu'il a mis dans son livre des choses qui sont contraires à la vérité. Donc, le cheikh, il dit, le savant, lorsqu'il écrit une fatwa, lorsqu'il écrit un livre, lorsqu'il écrit un texte, il faut qu'il écrive uniquement ce qui est en accord avec le Coran et la Sunna. Il ne doit pas écrire, excepté ce qui est en accord avec le Coran et la Sunna. Et il ne doit pas écrire rien de ce qui est, il ne doit pas écrire des choses qui sont de lui-même et de sa passion. Hein? Puis commencer à dire aux gens par la suite, ça c'est la charia, ça c'est l'islam, ça c'est le char, ça c'est la révélation. Non. Hein? Ou bien dire, ça c'est la charia. Il écrit un livre sur l'islam, il remplit le livre de mensonges, il dit ça c'est la charia, ou ça c'est l'islam, ou ça c'est la révélation. Après le chef il dit, et à notre époque aujourd'hui, de nos jours, il y a beaucoup de livres justement qui sont écrits. Il y a de plus en plus de gens qui écrivent des livres sur l'islam et sur la religion. Hein? Soit que ce sont des études, des livres, des rasa'il, hein? Des fatawa, qui contiennent beaucoup d'égarements et qui sont écrits au nom de l'islam, comme les juifs ont fait auparavant. Ça c'est l'exemple exact de ce que les juifs ont fait auparavant. Donc le cheikh dit, ça fait en sorte que le musulman, il doit faire attention, hein, le musulman qui veut écrire, quelque chose qui a rapport avec l'islam, qui veut faire une fatwa, qui veut faire quoi que ce soit qui a rapport avec l'islam, même qui veut faire un discours, une conférence, ou une khutbah, ou quoi que ce soit, il doit faire attention à ce qu'il écrit, et il doit s'arrêter aux limites établies par Allah subhanahu wa ta'ala, et il doit craindre Allah subhanahu wa ta'ala par rapport à ce qu'il écrit. Il doit écrire uniquement pour la vérité, même si ça ne plaît pas aux gens. Il y a des gens qui veulent plaire, qui veulent faire plaisir, ils vont écrire quelque chose et ils savent que c'est faux et ils vont l'écrire juste pour que les gens soient satisfaits ou que les gens soient contents. Tu dois écrire uniquement la vérité, même si les gens ne seront pas satisfaits de ce que tu écris. Ensuite, donc ça c'est pour le point numéro 27. Maintenant le point numéro 28. رفض ما عند غيرهم من الحق رفض ما عند غيرهم من الحق c'est-à-dire de rejeter ce que les autres possèdent de la vérité. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est-à-dire il y a des gens qui sont yani les gens de la jahiliya. Jahiliya, Al-Jahiliya, c'est tout ce qui est associé à l'ignorance. Al-Jahiliya, c'est tout ce qui a rapport avec l'ignorance. Et quand on parle de l'ignorance, on parle de l'ignorance par rapport à l'islam. C'est-à-dire tous ceux qui ignorent l'islam et qui ignorent qui est leur créateur et qui ignorent la révélation d'Allah, le Coran et la Sunna. On dit que ces gens-là, ils sont dans la jahiliya. Mais on a expliqué dans les premiers cours, si vous retournez au cours qu'on a fait, qu'on a enregistré au début, sur ça, c'est que la jahiliya, elle existait uniquement avant la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, après la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a plus de jahiliya. Maintenant, la jahiliya qui peut exister, c'est uniquement une jahiliya qui est relative, c'est-à-dire il peut y avoir certains aspects de la jahiliya, mais il n'y a pas une jahiliya générale comme c'était le cas avant l'islam. Pourquoi? Parce que la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est là, elle est présente. Le Coran et la Sunna, ils vont rester jusqu'à la fin des temps. Donc tant que le Coran et la Sunna sont là avec nous, eh bien, il n'y a plus de jahiliya générale possible, puisque la possibilité de connaître Allah et de connaître sa religion, elle est toujours là. Les livres, le Coran et la Sunna ne vont jamais être falsifiés ou déformés ou changés comme les livres précédents. Ils restent toujours intacts. Sauf que il peut y avoir encore certaines caractéristiques de la jahiliya en certains individus, certaines manifestations de la jahiliya dans certains traits ou caractéristiques, mais pas une jahiliya générale comme avant l'islam, d'accord? Donc, ça c'est par rapport à la jahiliya. Donc, les gens de la jahiliya, une de leurs caractéristiques, c'est qu'ils rejettent la vérité si cette vérité-là, elle n'est pas venue d'eux-mêmes, si elle vient de quelqu'un d'autre, ou si elle est avec quelqu'un d'autre. Et ça c'est le point 28. Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab il dit « Annahum la yakbalouna min al-haq illa al-lazi ma'a ta'ifatihim » ka qawlihi qalu nu'minu bima unzila alayna. C'est le verset 91 dans Surat al-Baqarah. C'est-à-dire que les Juifs, ils n'acceptent de la vérité que ce qui est avec leur groupe à eux. Comme quand ils disaient, et on croit à ce qui est révélé sur nous seulement. Donc le Cheikh Mohammed, Cheikh Saleh al-Fawzan, il explique ça. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَالُوا نُؤْمِنُوا بِمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا أي على موسى عليه السلام ويكفرون بما وراءه أي غيره وهو الحق مصدقا لما معهم يقولون نحن نؤمن بالتوراة التي أنزلت على نبينا موسى ويكفرون بما وراءه وهو الإنجيل الذي أنزل على عيسى والقرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وهو الحق مصدقا لما معهم الإنجيل والقرآن مصدقان لما في التوراة. Donc qu'est-ce qu'il explique le cheikh ici? Il dit que lorsqu'on a dit aux juifs, croyez en ce qu'on a fait descendre ou en ce qu'on a révélé ou à ce que Allah a fait révéler sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, eux ils ont dit, on croit en ce qui a été révélé sur nous. Le verset 91 en surat al-Baqarah. C'est-à-dire, on croit à ce qui a été révélé à Moussa, qui est notre prophète. Et il rejette ou il nie ce qui est venu après lui. C'est-à-dire ce que d'autres que lui, ce que d'autres que Moussa ont amené. C'est-à-dire la vérité qui est venue confirmer ce qui est avec eux. C'est-à-dire la vérité qui est venue dans le Coran et dans l'Injil, qui confirme que ce que les Juifs possédaient était la vérité également à la base, à l'origine. Ils disent, les Juifs, on croit en la Torah qui a été révélée à notre prophète Moussa, et ils traitent le reste de mensonge qui est venu après. C'est-à-dire l'Injil qui a été révélé sur Isa et le Coran qui a été révélé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, alors que c'est la vérité qui est venue confirmer ce qui était avec eux. L'Injil et le Coran, ce sont deux révélations qui sont venues après la Torah et qui sont venues confirmer ce que les Juifs possédaient comme révélation auparavant. Hein? Et le Coran est venu, bien entendu, abroger, la dernière révélation, et elle a eu le dessus sur ce qui a été révélé auparavant, sur les autres révélations précédentes. Donc, actuellement, la seule révélation qu'on doit suivre, c'est le Coran et l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les révélations précédentes, elles ne sont plus applicables aujourd'hui, puisqu'elles sont révélées pour une époque spécifique et pour un peuple spécifique. Hein, contrairement au Coran qui est venu jusqu'à la fin des temps pour être appliqué. Hein, et qui ne va pas être falsifié ou déformé. Donc le cheikh dit, فَرَدَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ بِأَنَّهُمْ إِذَا كُنْتُمْ تَتَّبِعُونَ مَا أُنْزِلَ عَلَى مُوسَى فَكَيْفَ تَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءِ وَهَلْ أُنْزِلَ عَلَى مُوسَى قَتْلَ الْأَنْبِيَاءِ حَيْثُ قَتَلُوا زَكَرِيَّا وَقَتَلُوا يَحْيَى وَهَمُّوا بِقَتْلِ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامِ فَرَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَعَصَمَهُ مِنْهُمْ وهم بقتل محمد صلى الله عليه وسلم فهم مهمتهم قتل الأنبياء كما قال تعالى أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. بعض الرسل كذبوهم وبعض الرسل قتلوهم. لماذا؟ لأنهم جاءوهم بما لا تهوى أنفسهم. فكيف يقولون نؤمن بما أنزل علينا وأين هذا من الإيمان بالذي أنزل عليهم. Donc le cheikh explique ici, Allah subhanahu wa ta'ala a répondu aux juifs en disant, si vous suivez vraiment ce qui a été révélé sur le prophète Moussa alayhi salam, alors pourquoi vous tuez les prophètes? Pourquoi vous avez tué les prophètes? Est-ce que parmi ce qui a été révélé au prophète Moussa alayhi salam, il y avait le fait de tuer les prophètes, hein, puisqu'ils ont tué Zakaria, et ils ont tué Yahya, et ils ont voulu tuer également Isa alayhi salam. Puis Allah subhanahu wa ta'ala l'a fait monter auprès de lui et l'a protégé d'eux. Et ils ont voulu par la suite essayer de tuer le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, qu'est-ce qu'ils cherchent toujours à, ils cherchent toujours à faire quoi? Ils cherchent toujours à faire, c'est tuer les prophètes. C'est ça ce qu'ils essaient toujours de faire. Muhammadum, c'est ça leur travail là. À chaque fois qu'ils voient quelque chose, un messager qui vient avec la vérité, ils essaient de le tuer. Et à l'époque actuelle, il n'y a plus de prophètes, il n'y a plus de messagers. Mais quand quelqu'un vient et qu'il appelle à la vérité qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, au Coran et à la Sunna, eh bien, ils essaient de le tuer également. Quand il y en a quelqu'un qui se lève pour dire la vérité, pour expliquer la vérité aux gens, eh bien, ils essaient par tous les moyens de le faire taire, de l'arrêter, de le bloquer, de faire en sorte que les gens ne puissent pas entendre la vérité qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il mentionne le verset 87 dans Surat al-Baqarah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il dit aux Juifs, est-ce qu'à chaque fois qu'un messager vous vient avec ce que votre âme n'aime pas, hein, ce que votre âme ne souhaite pas, hein, ce qui n'est pas en accord avec vos passions, vous vous enflez d'orgueil et vous en tuez une partie, vous en traitez une partie de menteur et vous tuez une autre partie, c'est-à-dire vous tuez des prophètes ou bien vous les traitez de menteurs. Est-ce que c'est ça votre attitude lorsque les messagers vous amènent quelque chose qui est contraire à vos passions, contraire à vos désirs? Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il répond comme ça. Parce que c'était ça leur caractéristique et c'était ça leur attitude. Chaque fois que le messager leur vient avec quelque chose contraire à leurs désirs et leurs passions, soit il les traite de menteurs, soit il les tue. Donc le cheikh il dit, certains prophètes, ils les ont traités de menteurs, et d'autres, ils les ont tués. Pourquoi? Hein? Parce que ces prophètes et ces messagers ont amené ce qu'ils n'aimaient pas, ce qui était contraire à leur passion. Alors comment pourraient-ils prétendre croire en ce qui est révélé sur eux-mêmes? Comment pourraient-ils prétendre croire en ce qui est révélé à Moussa alayhi salam, puisque ils sont eux-mêmes les premiers à le rejeter, à le traiter de menteur, ou bien à essayer de tuer les prophètes? Donc où est-ce qu'il est leur foi en ce qui a été révélé sur eux, hein? Et on voit l'attitude qu'ils ont actuellement aujourd'hui, c'est le même comportement qu'ils ont envers les musulmans. Il n'y a pas un peuple sur la terre actuellement qui déteste plus l'islam et les musulmans et le Coran et la Sunna et le manhaj des salaf que les juifs. Il n'y a pas un peuple sur la terre qui déteste plus l'islam et les musulmans et le Coran et la Sunna que les juifs. Et en particulier les musulmans qui suivent le Coran et la Sunna et qui veulent s'accrocher au Coran et à la Sunna selon la compréhension des salaf al-salih. Hein? Tandis que les autres, ils les aiment. Ceux qui suivent leur passion, ceux qui veulent appeler à leur passion, ils s'allient avec eux. Et ils les prennent pour alliés et ils les aiment. Vous voyez, par exemple, il y a des Arabes laïcs, communistes, socialistes, athées. Ils sont amis avec les Juifs. Et les Juifs les aiment. Hein? Ils s'allient avec eux, ils travaillent avec eux sans problème. Et parmi des groupes de bid'a, hein, parmi les Ikhwan et autres, ils disent, on n'a aucun problème avec les Juifs, hein, les Ikhwan al-Muslimoun, comme Al-Qardawi et Hassan al-Banna et d'autres encore. Nous, on n'a aucun problème avec les Juifs. Le seul problème qu'on a avec les Juifs, c'est le territoire de la Palestine qu'on veut. Mais à part ça, on n'a aucun problème sur la religion. On ne les combat pas parce que ce sont des kuffars, ou parce qu'ils ne croient pas en l'islam, ou parce qu'ils ne croient pas au Coran ou à la Sunna. Il y en a un à Montréal, maintenant ils ont fait une école justement, ils commencent à propager ça parmi les convertis, ça s'appelle 3AP, A3P, hein? A3P ça s'appelle leur école. Et un des professeurs ou un des gens qui enseignent dans ce groupe-là, c'est Shuraibi, Ahmed Shuraibi le Marocain, le chimiste, Eh bien, maintenant ils ont, lui, qu'est-ce qu'il avait dit dans une rencontre qu'il avait organisée entre les jeunes, juifs et les musulmans? Ils sont allés dans le centre Hilal, qui est un centre pour les juifs à côté de l'Université de Montréal. Et puis, ils ont organisé une rencontre entre les jeunes de l'association de l'association des musulmans de l'Université de Montréal et l'autre association. Non. Donc, ils ont organisé une rencontre entre les jeunes de l'association de l'Université de Montréal, des musulmans, et l'association des juifs. Et il y avait un rabbin qui est là pour parler avec les jeunes, musulmans et juifs, pour leur parler du judaïsme. Puis, lui, Mohamed Shuraibi, qui est là pour parler, soi-disant, de l'islam. Et après, il leur a dit, hein, Shuraibi, le chimiste, qui est docteur, le docteur Shuraibi, qui est docteur en chimie, il dit, nous, les musulmans et les juifs, on a 95% des choses sur lesquelles on est d'accord. Puis, on a juste un petit 5% sur lesquels on n'est pas d'accord. Donc, on va mettre de côté le 5% sur lesquels on n'est pas d'accord, puis on va travailler, on va s'unir ensemble sur le 95% sur lesquels des choses on est d'accord. Hein? Ça, c'est grave. Et ça, c'est leur attitude. À travers l'histoire, c'est comme ça, les Ikhwan, depuis qu'ils sont créés jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'ils n'ont pas compris la réalité de l'islam, la réalité du tawhid, la réalité de Al-Wala ou Al-Bara, hein. Mais tu les entends lorsqu'il y a des problèmes en Palestine qui crient, hein, pour soi-disant les droits de la Palestine et qui font des levées de fonds, qui ramassent des milliers de dollars pour Gaza ou pour la, on sait jamais où est-ce que cet argent-là s'en va vraiment. À chaque fois, ils font ça, et ils crient, soi-disant que ce sont eux les défenseurs de la Palestine, etc., etc. Et puis, à la fin, quand ils parlent, ils disent, nous, on n'a rien, on n'a aucun problème avec les Juifs par rapport à leurs croyances. C'est uniquement sur la question de la terre. Hein? Maintenant, en ce moment-là, il y a au Tibet, là, il y a les bouddhistes du Tibet, ils veulent leur indépendance et la Chine qui ne veulent pas leur donner. Et entre la Chine et le Tibet, il y a des conflits maintenant internationaux. Même si c'est au niveau international, le Dalai Lama il s'en va partout pour demander, soi-disant, l'aide pour l'indépendance, hein, du Tibet. Bon, les Tibétains, ils n'aiment pas les Chinois, ils n'aiment pas les Tibétains. Il y a des conflits entre les deux. Ils veulent quoi? Ils veulent la terre. Eh bien, eux, les Ikhwan, ils comparent. En fait, qu'est-ce qu'ils sont en train de dire, c'est que le conflit qui est en Palestine, là, c'est la même chose que les Tibétains avec la Chine. La même chose. Il y a pas, ça n'a pas rapport avec la croyance, non? La Aqida. Ou bien un autre exemple. Il y a plein d'autres peuples comme ça dans d'autres pays dans le monde, là, qui veulent leur indépendance d'un autre peuple. Puis c'est les deux peuples mécréants. Hein? Donc eux, ils veulent, ils comparent qu'est-ce qui se passe en Palestine avec la même chose qu'est-ce qui se passe dans d'autres pays. Que c'est juste un conflit pour avoir la liberté, pour avoir leur indépendance, pour avoir leur propre pays. Puis après, s'ils ont leur pays, ils vont l'établir sur les mêmes bases et les mêmes fondements que l'État juif. C'est-à-dire sur la démocratie, la laïcité, les droits de l'homme, la liberté, hein, la liberté de religion, etc. Donc c'est pas basé sur le tawhid, leur haine ou leur opposition aux juifs, hein. Donc ça c'est très important. Et c'est pourquoi on dit tout ça, c'est pour faire comprendre que lorsque quelqu'un maintenant il vient avec le Coran et avec la Sunna et qu'il appelle au tawhid et à l'islam comme il faut, il y en a parmi les musulmans qui ont imité les juifs et qui ont suivi l'exemple des juifs, qui veulent tout faire pour les arrêter, pour les stopper, d'expliquer aux gens et d'enseigner aux gens la vérité. Sharia Academy à Montréal, derrière ça, c'est des gens, il y en a qui sont sur le manhaj des Ikhwan, comme par exemple Salah Al-Sawi et d'autres également, parmi ces gens-là. Et il y a des ulama qui ont écrit des réfutations de Salah Al-Sawi, parce que lui, il fait la défense des groupes de djihadi, des groupes de takfiri, des groupes de tablir et des autres jama'at, il les supporte, il les défend, il les prend pour alliés, il les aime, hein, et il dit que c'est correct, qu'est-ce qu'ils font, que c'est correct dans le sens que c'est correct qu'il existe plusieurs groupes. Il n'y a pas de problème là-dedans. Même si on sait que c'est des groupes qui sont sur des bid'ah ou sur des contradictions avec l'islam. Et, yani, bien entendu, comme il y a un cheikh qui s'appelle Abdus Salam Suhaimi, c'est le cheikh qui a écrit le livre Kun Salafiyan ala al-Jazza, qu'on avait fait il y a de ça quelques années, le livre qui explique la da'wa salafiya, les principes du manhaj des salaf, qu'est-ce que c'est. Mais ce cheikh, il a écrit un autre livre pour réfuter les gens de takfir et pour expliquer leur manhaj. Et puis, il a cité parmi ces gens-là, Salah al-Tawi. Et il a mentionné des passages de son livre, un livre qu'il a écrit qui s'appelle « Al-Sawabit wal-Mutaghayyirat ». Et dans ce livre-là, il mentionne des passages où il y a des incitations claires à suivre, à se rebeller contre les dirigeants et à appeler à combattre les dirigeants, etc. Puis à faire le takfir des dirigeants, etc. Donc, il a mentionné son nom, puis il a dit il est considéré comme un des plus grands théoriciens des Ikhwan à l'époque actuelle, Salah al-Sawi. Même si en apparence il se dit salafi ou bien il prétend être salafi. Et puis il ne faut pas s'étonner, depuis, comme je vous ai expliqué, ça devait être, pour vous, ça devait être comme une règle dans votre esprit, que depuis que quelqu'un il est invité à la mosquée Sunna pour donner des conférences, c'est clair et c'est automatique que c'est quelqu'un qui n'est pas sur le manhaj des salafs. Parce que s'il était réellement sur le manhaj des salafs, la mosquée Sunna ne vont jamais l'accepter. Ça, c'est de un. Et eux, s'ils savent la réalité de cette mosquée, ils ne vont jamais accepter d'aller donner des conférences là-bas. Excepté si c'est pour en même temps clarifier la réalité de qu'est-ce qui se passe là-bas. Et de mettre en garde aussi les musulmans contre qu'est-ce qui se passe dans ceux qui sont en charge de cette mosquée-là et ceux qui s'occupent. Parce que des fois, c'est vrai que peut-être parmi ceux qui vont prier là-bas, il y en a qui ne sont pas au courant de qu'est-ce qui est propagé en arrière comme idéologie chez ceux qui sont qui gèrent la mosquée. Mais quelqu'un qui fait un tour à travers les livres qui sont dans la bibliothèque et qui vérifie les cassettes et les livres qui sont là-bas, il voit que tout est mélangé. Et c'est ça la réalité de cette mosquée, c'est que là-bas, il n'y a pas un manhaj clair qui est enseigné ou qui est suivi et qui est prêché. C'est-à-dire que, en apparence, ils disent qu'ils sont sunna et qu'ils suivent la sunna, mais à l'intérieur, tu peux faire ce que tu veux et, d'une certaine façon, si quelqu'un est takfiri ou jihadi ou d'autres, il a d'autres idées mélangées comme ça, il n'y a pas une correction qui va se faire, il n'y a pas une nasiha qui va être donnée, il n'y a pas une orientation qui va être faite dans la mosquée pour corriger les problèmes et les erreurs que ces gens-là peuvent avoir dans leur manhaj, où il n'y a pas de réfutation ouverte qui vont être faites par ceux qui sont en charge pour mettre en garde contre ces gens-là qui ont ces idéologies-là. On laisse les gens à eux-mêmes parler comme ils veulent, dire comme ils veulent, puis en même temps on voit qu'ils vont s'associer et s'allier avec des musulmans de toutes les tendances, sans prendre en considération qu'ils soient en accord avec la sunna ou non. Donc on les voit maintenant, ils ont un projet d'ouvrir une école musulmane. Et la mosquée avec laquelle ils s'allient pour le faire, c'est la mosquée Bayt al-Mukarram, qui est sur de Courtrai, qui est sur la voie des Diobandiyah. C'est une mosquée tablir, qui est sur la voie des Diobandiyah. Donc comment Côte des Neiges. Donc comment tu vas t'allier avec ces gens-là, et tu vas faire une école, tu te prétends salafi, et tu prétends être sur la sunna, puis tu t'allies avec une école dont les gens sont sur ce manhaj dévié, et sur cette aqidah qui est contraire à la aqidah des salafs, la aqidah des maturidiyah, et le manhaj des soufiyins, et puis tu vas t'allier avec eux pour ouvrir une école islamique. Où est-ce qu'elle est la salafiyah dans ça, et la position qu'ils adoptent envers ces gens-là. Donc, ça c'est quelque chose qui est connu, il n'y a pas de doute, cette situation-là, elle est claire, et donc, les chouurs qui sont venus à Montréal il y a de cela des années, ils ont mis en garde depuis longtemps contre cette mosquée, et ils ont averti les musulmans de ne pas aller prier là-bas, sauf si t'as pas le choix, tu pries et tu sors. Mais de te tenir dans cette mosquée-là, de la fréquenter régulièrement, et de prier là-bas, ça c'est pas correct. Ça c'est pas correct d'être un des habitués de la mosquée puis de de se mélanger avec les gens qui sont là-bas. En fait, si c'est par exemple des mosquées qui sont pas sur le manhaj des salafis et qui opposent les salafis et qui prônent la bid'a ou des idées qui sont contraires au manhaj des salaf et à l'aqida, on n'a pas le droit de participer avec eux dans la collecte d'argent ou de les aider à ramasser de l'argent. Il y a des fatwas là-dessus, des ulama. Ils ont même mis en garde contre le fait d'aider les gens qui veulent ouvrir une mosquée et qui ne sont pas salafis, de ne pas les aider à collecter de l'argent pour cette mosquée-là. Parce qu'après, quand ils auront leur mosquée, ils vont utiliser cette mosquée-là pour propager la bid'a et combattre la sunna. Et c'est ça ce qui se passe actuellement. C'est ça ce qu'on a vu maintenant. Au début, il y a des mosquées, elles étaient tout petites. Elles ont ramassé de l'argent. Et puis maintenant, quand elles sont devenues plus grosses, on voit qu'elles combattent ouvertement la sunna maintenant. Et elles l'opposent ouvertement. Et il y a des frères parmi les frères salafis qui étaient un peu peut-être naïfs, hein, qui les ont aidés et financés au début. Puis regardez maintenant qu'est-ce qui se passe. Ils ne peuvent plus rien faire maintenant. C'est ça. À cause de la naïveté. Hein. Allah al-Musta'an. Donc, ça c'est à ce sujet-là. Ensuite, le cheikh dit, « Wa aydan, mimma unzila alayhim fi al-Tawrah, نعت محمد صلى الله عليه وسلم نعت محمد صلى الله عليه وسلم وبيان رسالته وصفاته عليه الصلاة والسلام فلماذا لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم إن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم هو إيمان بما أنزل عليهم وقد كفروا به وهم يقولون نؤمن بما أنزل علينا. Yani, le cheikh il dit, et également, parmi les choses qu'on peut dire aux juifs pour leur répondre à ce qu'ils prétendent, par exemple, quand ils disent qu'ils suivent ce qui a été révélé sur eux, comme ce qui a été révélé sur Moïse, eh bien, on leur dit que, également, dans leur livre, dans la Torah, il y a la mention du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et de ses attributs, et de ses caractéristiques, et la clarification de son message, alayhi salatu wa salam. Donc pourquoi ils n'ont pas cru en le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam si ils prétendent croire en Moussa alayhi salam? Ils doivent croire en Mohammed, parce que de croire en le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ça fait partie de croire en ce qui a été révélé sur eux, et c'est la preuve qu'ils ont mécru. C'est la preuve qu'ils ont mécru en ce qui est avec eux aussi, puisque s'ils croyaient en ce qui est avec eux, ils auraient cru hein. Ce qui est révélé sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tandis qu'ils disent nous croyons en ce qui est révélé sur nous. Wa hadha yashmalu man yaqul ana la attabi'u illa fulanan min al-ulama wal wajib annahu yaqbal al-haq wa la yata'assab li imamihi aw li mudarrisihi aw li shaykhihi mithlu mashayikh al-turuq wa yata'assab lahum al-murid wa yata'assab lahum al-muridun wal atba' ولا يقبلون الحق إلا ما قال هؤلاء، وهذا أمر باطل، لأنه لا يجب اتباع معين من الخلق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن قال إنه يجب اتباع معين غير الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه مرتد يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، كما قرر ذلك شيخ الإسلام لأنه جعل فلانا مساويا للرسول صلى الله عليه وسلم. Le cheikh il dit ensuite, et parmi les exemples qui rentrent dans ça, dans qu'est-ce qu'on mentionne maintenant, il y a le fait que certaines personnes disent moi je ne suis pas un tel parmi les ulama. Et le cheikh il dit que l'obligation c'est d'accepter la vérité et de ne pas être fanatique envers l'imam ou envers le professeur ou envers le cheikh, hein, ou envers ton cheikh que tu suis. Comme par exemple, si tu connais un alim et toi tu étudies avec ce alim, comme par exemple nous on a lu des livres, beaucoup de livres de Cheikh Al-Fawzan, donc on aime Cheikh Al-Fawzan, Cheikh Al-Fawzan c'est un des ulama parmi les ulama, et on le respecte pour son ilm, pour sa science, et pour son âge, et pour sa piété et tout ça. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala le récompense et lui donne le bien et prolonge sa vie. Mais ça ne veut pas dire que si quelqu'un ramène un livre d'un autre cheikh, un autre alim, qui est aussi également sur la sunna et qui explique le Coran et la Sunna, puis on ne va pas l'accepter. On va dire, non, moi je prends juste de Cheikh Fawzan, je ne prends pas d'un autre. Ça, c'est pas correct. Tu n'as pas le droit de faire ça. Donc, si quelqu'un te ramène un livre de Cheikh Ibn Baz, ou de Cheikh Mohammed Ibn Uthaymeen, ou de Cheikh Al-Albani, ou de Cheikh Mohammed Ibn Abdul Wahhab, ou de Cheikh Ibn Taymiyyah, ou Cheikh Al-Luhaydan, ou Cheikh Al-Ghudayyan, ou Cheikh Rabi' Al-Makhsali, ou Cheikh Al-Suhaymi, ou n'importe quel autre parmi les ulama de l'islam, comme Cheikh Mokbil, Cheikh Ubaid Al-Jabiri, et d'autres parmi nos grands chouyouch, on doit l'accepter. C'est pas juste dire, moi je suis juste un cheikh, et je suis juste celui-là. Du moment qu'il est sur le Coran et sur la Sunna, et qu'il est salafi, on doit prendre de lui. Et du moment qu'il dit la vérité, on doit prendre de lui. Il dit, on va pas faire comme les chouyouk des Turuq Soufiyah, les gens qui suivent les confréries soufis, et ils imposent à leurs fidèles ou à leurs mourides de prendre uniquement de eux. Hein? Et donc tu vois ça chez les soufis par exemple, le cheikh il va dire à ses mourides, à ses fidèles, tu dois uniquement prendre de moi, du moment que eux ils trouvent un jeune qui veut le suivre, il va lui donner prendre un serment d'allégeance de lui, une bay'a. Alors que ça c'est une bid'a, parce que la bay'a on la donne que aux dirigeants, pas un individu parmi les musulmans ou un cheikh parmi les chouyouk. Mais eux, ils prennent un serment d'allégeance envers ce jeune. Et ils lui disent, tu dois uniquement me suivre, moi. Et t'as pas le droit d'aller voir un autre cheikh. Et t'as pas le droit d'aller dans une autre tariqa ou des choses de ce genre. Hein? Et donc, comme par exemple, il y a la tariqa Tijaniya par exemple. Et parmi les conditions qu'ils ont, eux, dans leur tariqa, c'est que tu n'as pas le droit d'aller dans aucune autre tariqa une fois que tu es dans leur tariqa. Et si tu vas dans une autre tariqa, ça y est, tu vas être expulsé de la tariqa. Hein? Tariqa, c'est là. Les soufis, ils appellent les voies de leur cheikh, qu'est-ce que leur cheikh suit, et l'école de leur cheikh, ils les appellent des turq, tariqa. D'accord? Et c'est comme des sectes en fait. Ok? Et donc, ça c'est quelque chose qui est totalement faux et rejeté en islam. Et j'en ai rencontré un à Montréal une fois, un Tijani comme ça. Et ça c'est pas juste les Tijaniens qui font ça. La plupart des chouyouk, des turuq, ils prêchent ces idées-là aussi, dans différents turuq. Et ils ont des histoires, même des fables qu'ils racontent sur les bienfaits et les miracles de leur chouyouk pour inciter les gens à rentrer dans leur tariqa avec leur cheikh. Hein? Ils font la publicité pour leur cheikh. Si tu rentres avec mon cheikh dans ma tariqa, tu vas rentrer au paradis direct. Il n'y a pas de problème. Mon cheikh, il va te mettre sur ses épaules au jour de la résurrection et tu seras rentré au paradis directement. Hein, donc, rentre dans ma tariqa. Hein, et, subhanallah, il y a plein d'histoires comme ça. Et il y a juste un autre exemple aussi, c'est que il y a les ikhwan aussi qui sont comme ça. Subhanallah. Par exemple, les Ikhwan, il y a une histoire comme ça qui était mentionnée dans un livre qui avait été écrit par Salim al-Hilali au sujet des jama'at et des turuq. Quand il parlait des Ikhwan, il a dit qu'il y a certaines personnes à l'époque de Cheikh al-Albani qui faisaient partie des Ikhwan. Et ils ont commencé à assister aux cours de Cheikh al-Albani. Et quand les responsables ou les chefs du groupe dans cette région-là ont appris que ces individus-là, parmi les Ikhwan, commençaient à assister aux durus de Cheikh Al-Albani, ils ont émis un avertissement contre ces membres-là. Et ils leur ont dit, soit que tu cesses d'aller aux durus de Cheikh Al-Albani, ou bien soit tu vas être expulsé de notre groupe. Et on va t'enlever la carte de membre. Et tu pourras plus faire partie de notre groupe. Donc, ça c'est pour dire que parmi les principes qu'ils ont dans leur jama'a, c'est que tu dois faire al-wala ou al-bara et t'allier et prendre en opposition selon le groupe. Et si le chef du groupe te dit, ne va pas écouter un tel, il ne doit pas venir. Et ils vont mettre en garde contre lui s'il refuse d'accepter et ils vont même l'expulser du groupe s'il continue à y aller. Ouais, on voit ça des fois. Mais le fait, c'est que le point qui est grave là-dedans, c'est que il mettait en garde contre qui? Contre Cheikh Al-Albani. Pourquoi? Parce que Cheikh Al-Albani, il n'est pas affilié à aucune jama'a. Il suit le Coran et la Sunna et il suit le manhaj des salaf. Et il critique toutes les jama'at. Et il mentionne les erreurs et les égarements de toutes ces jama'at. Alors ça, ça les dérange. Et eux, ils n'aiment pas ça parce qu'il est indépendant. Et donc, étant donné qu'il n'est pas affilié avec eux, ils ne propagent pas leurs idées, alors il met en garde pour, parce qu'ils savent que si ces gens-là commencent à écouter le Cheikh Al-Albani, ils commencent à apprendre leur religion comme il faut, commencent à apprendre le Coran et la Sunna, ils vont commencer à appeler les autres à ça, et donc par la suite, ils vont commencer à perdre des membres, et donc c'est pour ça qu'ils vont mettre en garde tout de suite pour qu'ils n'aillent pas écouter Cheikh Al-Albani. Donc ça, c'est un exemple comme ça. En fait, c'est parce que les soufis sont éduqués, sont éduqués d'une manière, c'est-à-dire que tout ce qu'ils apprennent, que ce soit dans le Coran ou dans la Sunna, ils vont pas le prendre, excepté après avoir vu qu'est-ce que son cheikh dit par rapport à ces choses-là. Et donc, si il entend le hadith qui interdit la bid'a, qui interdit le mawlid nabawi, qui interdit toutes les bid'a qui sont faites, comme le hadith de Aïcha radiallahu anha qui dit « Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa radd » celui qui fait une action qui ne fait pas partie de notre religion, elle sera rejetée. Il entend ça, mais lui, il n'est pas capable de faire le lien entre cette interdiction des innovations et le fait que les gens pratiquent le mawlid. Pourquoi? Parce que il a une idée dans sa tête que son cheikh, c'est lui le plus savant au monde. Son cheikh soufi, c'est lui qui connaît plus l'islam que tout le monde sur la terre. Et que si lui, il a dit que c'est correct, personne ne peut le contredire au monde. Et même si tu lui ramènes un hadith, il ne va pas le rejeter, qu'est-ce que son cheikh a dit, parce que pour lui, le cheikh, il connaît mieux que lui. Il va se dire dans sa tête, lui, il connaît probablement ce hadith-là. Et donc, s'il ne l'a pas appliqué, ou s'il n'a pas suivi le hadith de cette manière-là, ça veut dire qu'il comprend mieux que toi, qu'est-ce que ce hadith-là signifie. Donc, je continue à pratiquer la bid'a. Mais ça, c'est le jahl, ça, c'est l'ignorance qui fait ça. Hein, c'est l'ignorance et la passion aussi. L'ignorance et la passion. Parce que quelqu'un, il devient aveuglé par sa passion par la suite. Quand on lui a montré les preuves et qu'il refuse de l'accepter et qu'il s'aveugle et qu'il persiste dans son entêtement avec orgueil, arrogance, ça c'est la passion. Qu'Allah nous préserve. Et donc, le cheikh, il dit donc c'est comme ça les turcs. Et il y a un soufi à Montréal, il m'avait dit ça. Un tidjani en plus. Il m'a dit, quand tu es tidjani, c'est comme si tu as une ligne directe, c'est comme il y avait une corde directe entre toi et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc tu n'as pas besoin d'aller voir n'importe quel autre cheikh dans une autre tariqa ou dans une autre chose. Hein? Et donc ils n'acceptent pas qu'il y ait, qu'on prenne la vérité d'un autre. Et ça c'est totalement opposé au manhaj des salaf et à la vérité. Parce que quand vous retournez au manhaj des salaf, juste regardez les imams d'Ahl-Sunnah. Regardez seulement les imams d'Ahl-Sunnah. Et je vous donne juste l'exemple de l'imam al-Bukhari, rahimahullah. L'imam al-Bukhari avait plus que 1000 cheikhs. L'imam al-Bukhari a eu plus que 1000 cheikhs de qui il a étudié le hadith et l'islam. Et il n'y a aucun d'entre eux qui leur a dit, « Ah mais maintenant, c'est moi ton cheikh, t'as plus le droit d'aller voir un autre cheikh. » Jamais de la vie. Au contraire, plus il avait de cheikh, plus il avait d'ilm, plus il récoltait de leur comportement, de leur bonne manière, hein, et de leur science et de leur, hein, de leur, pardon? Ben oui, c'est beaucoup. Mais à l'époque, il y en avait beaucoup de savants. C'est pas comme aujourd'hui, hein. Donc, c'est pour dire, ça c'est l'imam al-Bukhari seulement. Parce que quand on regarde son sahih, et on regarde tous les jours de qui il a rapporté un hadith, ça monte dans les grands, il y a beaucoup de rapporteurs de qui il a pris le hadith. Donc tout ça, c'est ses chouyours. Hein? Donc ça, c'est des exemples. Et ensuite, le cheikh, il dit, donc de dire que tu dois uniquement prendre la vérité de ceux-là, ou de ceux-là, ou de tel cheikh, ou de tel groupe, ou de tel, ça c'est batil. Le cheikh, il dit, sinon, tu n'as pas le droit de dire qu'on doit suivre un individu spécifique en particulier parmi les créatures, excepté le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Le messager d'Allah, c'est le seul être humain à propos duquel tu as le droit de dire que lui, c'est obligatoire de le suivre. En tant que personne et individu, lui, on a le droit de dire à son sujet que c'est obligatoire de le suivre. Mais toute autre personne qui est venue après lui, peu importe que ce soit le plus grand savant de l'islam au monde, on n'a pas le droit de dire à tout le monde dans la Umma que c'est obligatoire de le suivre lui seulement. Hein? Ou bien que c'est, il faut le suivre absolument. Non. C'est pas permis. Donc c'est pas permis, par exemple, de dire à un musulman, il faut que tout le monde suive l'imam Malik. Ou l'imam, tout le monde doit suivre l'imam Shafi'i. Ou tout le monde doit suivre l'imam Abu Hanifa. Ou tout le monde doit suivre l'imam Ahmad ibn Hanbal. Ou tout le monde doit suivre un tel ou un tel seulement. Et obliger aux musulmans de suivre un individu en particulier. Le seul au sujet duquel on a le droit de faire ça, c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Parce que toute autre personne en dehors de lui, il est faillible. Il peut se tromper, il peut faire des erreurs. Le seul au sujet de qui on sait qu'il est infaillible, le seul, on sait qu'il ne fait pas d'erreur, c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est lui seul qui est obligé pour nous d'obéir et de suivre. Et Allah sallallahu alayhi wa sallam, il nous ordonne dans le Coran de l'obéir et de le suivre. Le cheikh il dit, et ça c'est une parole très très forte, si on regarde vraiment cette parole et qu'on la comprend comme il faut, il dit, celui qui dit qu'il est obligatoire de suivre un individu spécifique, autre que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, alors c'est un murtad, c'est un apostat. Celui qui dit par exemple parmi les soufiyines ou parmi les autres, il est obligatoire de suivre lui, de suivre mon cheikh pour être sauvé. Il est obligatoire de suivre Hassan al-Banna pour être sauvé. Ou bien il est obligatoire de suivre Ibn Taymiyyah pour être sauvé. Celui qui dit ça, il est murtad. C'est un apostat. Hein? Parce que le seul au sujet duquel on a le droit de dire ça, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le cheikh, il dit, si quelqu'un dit qu'on est obligé de suivre un individu spécifique autre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit c'est un apostat. Il doit être demandé de se repentir. Et s'il refuse, alors il doit être exécuté par le dirigeant. Hein? Après un délai de 3 jours, il devra être exécuté par le dirigeant ou par son représentant, le juge ou autre, dans un pays musulman. Et ça, ça a été confirmé par Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. C'est lui qui a établi, qui a clarifié ce verdict-là, et il a dit que pourquoi on dit ça de lui, pourquoi il doit être exécuté, pourquoi c'est un apostat, c'est parce qu'il a mis cet individu-là à égalité avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et du fait qu'il le met à égalité avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il devient un apostat. فلا احد يجب اتباعه الا رسول الله صلى الله عليه وسلم اما غيره من الائمه والعلماء رحمهم الله فيتبعون فيما وافقوا فيه الحق وما اخطاوا فيه من الاجتهاد فانه يجوز اخذه ولو كان من الائمه وما اخطاوا فيه من الاجتهاد فانه لا يجوز اخذه ولو كان من الائمه وهم يقولون ذلك يقولون لا تأخذوا من أقوالنا إلا ما وافق كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. الشيخ il dit, y a personne qui est c'est pas obligatoire, y a personne qui est obligé, que c'est obligé qu'on le suive, y a personne que c'est obligé qu'on le suive excepté le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم. En ce qui concerne les autres, comme les imams de l'islam et les ulama, que Allah leur fasse miséricorde, alors eux, on doit les suivre dans les choses sur lesquelles ils ont été sur la vérité. Et s'ils se sont trompés dans quelque chose par ijtihad, c'est-à-dire ils ont fait un effort pour arriver à juger qu'est-ce qui était la vérité, puis qu'ils ont fait une erreur là-dedans, ils ont fait un ijtihad puis ils se sont trompés, donc on dit qu'ils ont fait une erreur, ils ont une récompense pour ça, ils seront pas punis pour cette erreur parce qu'ils ont fait leur possible, ils ont été sincères dans leur démarche et dans leurs efforts, mais ils ont échoué malgré eux de trouver la vérité. Donc eux, ils sont excusés et pardonnés pour ça, et récompensés aussi. Mais les autres, comme nous, par exemple, on n'a pas le droit de les suivre dans leurs erreurs, une fois qu'on a su que c'était une erreur, même si c'était des grands savants de l'islam, et même si c'était des imams. Et eux-mêmes, ces imams et ces savants de l'islam, ils disaient aux gens, ne prenez pas nos paroles, acceptez ce qui est en accord avec la parole du messager sallallahu alayhi wa sallam. Si nos paroles sont contraires à la vérité qui est dans le Coran et dans la Sunna, jetez-les, jetez-la, ne la prenez pas notre parole. Hein? Donc ça c'est le manhaj des salafs à ce sujet-là. Le cheikh il dit ensuite comme le point numéro 29, لا يعملون بقول من يزعمون أنهم يتبعونهم. C'est-à-dire parmi les exemples des gens de la jahiliya, c'est qu'ils n'appliquaient même pas les paroles de ceux qu'ils prétendaient suivre eux-mêmes. Ok? Ça ressemble un peu à ce qu'on vient de mentionner, sauf que c'est un exemple plus un autre, il y a une petite nuance dedans. Vous allez voir, le cheikh il dit إنهم مع ذلك لا يعملون بما تقوله طائفتهم كما قال تعالى ونبه قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. C'est-à-dire, et malgré ce qu'on vient de dire, hein, malgré ce qu'on vient de dire du fait qu'ils n'acceptent pas la vérité, excepté ce qui est avec leur groupe à eux, et malgré ça, ils n'appliquent même pas ce que leur propre groupe est en train de dire ou enseigner. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, il le mentionne encore une fois dans le verset 91, c'est la suite du verset précédent. قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَا اللَّهِ. Dis pourquoi alors êtes-vous en train de tuer, ou aviez-vous tué les messagers, les prophètes d'Allah avant, auparavant, si vous êtes réellement des croyants. Pourquoi tuiez-vous les prophètes d'Allah auparavant, si vous êtes réellement des croyants, si vous prétendez croire en Moussa alayhi salam. Cheikh il dit, Cheikh Al-Fawzan, hey, هؤلاء اليهود يدعون أنهم يتبعون ما أنزل إليهم في التوراة وهذا يكذبه أمران. أولا قتلهم الأنبياء، وليس في التوراة قتل الأنبياء بل فيها الإيمان بهم وتعظيمهم واتباعهم والاقتداء بهم. Donc le cheikh il dit, ceux-là ils prétendent suivre ce qui a été révélé sur eux dans la Torah. Et ça c'est démenti par deux choses, comme on l'a vu tout à l'heure. Premièrement, ils tuent les prophètes. Et dans la Torah, c'est pas écrit de tuer les prophètes, au contraire, c'est écrit de croire en les prophètes, et de respecter les prophètes, et de les suivre et de les prendre comme modèles. Deuxièmement, أن التوراة تأمرهم باتباع محمد صلى الله عليه وسلم الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم. هذه صفاته صلى الله عليه وسلم في التوراة، فلم يؤمنوا به صلى الله عليه وسلم، فلم يقولوا بما قالوه، فلم يقولوا بما قاله أنبياؤهم وعلماؤهم الذين يدعون الإيمان بهم، ولا يعملون بما يقولون. Donc le cheikh il dit donc le deuxième point, c'est que également leur propre livre leur ordonne de suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme on a dit tout à l'heure, et ça ils le contredisent, comme c'est mentionné dans le verset 157 dans surat Al-A'raf. Ceux qui suivent le messager, le prophète illettré, qui trouvent écrit mentionné chez eux dans la Torah et dans l'Injil, il leur ordonne le convenable, il leur défend le blâmable, il leur rend licite les bonnes choses, leur interdit les mauvaises, et leur ôte le fardeau et les jougs qui étaient sur eux. Donc, le cheikh, il dit, ça c'est leur caractéristique, ça c'est la caractéristique qui sont mentionnées à propos du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans leur livre, dans la Torah. Et ils n'ont pas cru en le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et ils n'ont pas dit ce que leur prophète avait dit, et ce que leurs savants leur avaient dit alors qu'ils prétendent les croire en eux et ils prétendent les suivre. Et ils n'ont pas appliqué ce que leur prophète avait dit. Ensuite, le point numéro 30, al-mas'alatu thalathoun, al-akhdhu bil-iftiraq wa tark al-ijtima'. C'est-à-dire, ils prennent la voie de la division et ils abandonnent l'unité et l'union. Cheikh il dit, ça c'est des caractéristiques des gens de la jahiliya aussi. Wa hiya min ajaib ayatillahi annahum taraku wasiyat Allah bil-ijtima' وارتكبوا ما نهى عنه من الافتراق وصار كل حزب بما لديهم فرحون أو فرحين وصار كل حزب بما لديهم فرحين لشيخ الدي et ça c'est le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab qui dit ça, il explique, il dit, et ça, ça fait partie des signes qui sont étonnants, hein, parmi les choses étonnantes, parmi les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est que ces gens de la Jahiliya, ils ont abandonné l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala de se réunir et de s'accrocher ensemble sur la vérité, et ils ont commis le péché que Allah leur avait interdit de se diviser. Et ils sont devenus comme Allah les a décrits dans le Coran, chaque parti ou chaque groupe se réjouit de ce qu'ils possèdent. Et donc ça c'est la caractéristique qu'ils ont adoptée. Et le Cheikh il dit, من عجائب آيات الله سبحانه وتعالى أنهم لما تركوا الاجتماع على كتاب الله عز وجل وشرعه المنزل على الرسل والاعتصام به ابتلاهم الله بالتفرق والتشتت والتناحر والفرح بما هم عليه من الباطل وهذه عقوبة لهم لأن الإنسان إذا فرح بالباطل فإنه لا يتركه أما إذا لم يفرح به وكان عنده تشكك منه فهذا حري أنه يتوب ويرجع عنه ولكن إذا اطمأن إليه وفرح به فإنه لا يتحول عنه وهذه عقوبة من الله عز وجل لأن من ترك الحق يبتلى بالباطل ومن ترك الاجتماع فإنه يبتلى بالتفرق والتشتت والتناحر والتطاحن وهذا تجد أناسا فما تجد أناسا مختلفين فيما بينهم من أمور الدين والدنيا إلا وتجد بينهم العداوات والحزازات والبغضاء بل ربما الاقتتال فيما بينهم ولا تجد من يتمسك بالاجتماع على الكتاب والسنة إلا وتجد بينهم الألفة والمحبة والتناصر والتعاون كأنهم جسد واحد فلا عصمة إلا بالاجتماع على الكتاب والسنة ولا وحدة إلا باتباع الكتاب والسنة وما عدا ذلك فإنه فرقة وعذاب شيخ الإكليك Il dit, parmi les choses étonnantes, parmi les signes d'Allah qui fait partie des signes étonnants, hein, parmi les choses qui sont parmi les signes étonnants d'Allah, c'est que les gens de la Jahiliya, ils ont abandonné l'ordre de se réunir et de s'accrocher tous ensemble sur le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et sur ce que Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre comme révélation et comme législation sur ses messagers et l'ordre de s'accrocher, hein, à cette révélation-là, et Allah subhanahu wa ta'ala les a éprouvés à cause de ça par la division, hein, et par l'opposition, et par les conflits internes qu'ils ont entre eux. Et ils se sont réjouis, chacun d'entre eux s'était réjoui de ce qu'il avait comme fausseté. Alors Allah les a punis. Il dit parce que l'être humain, lorsqu'il se réjouit de ce qu'il possède de fausseté, eh bien, il ne va pas l'abandonner. Quelqu'un ne va pas abandonner quelque chose lorsqu'il est content de cette chose. Hein? Et donc, le Cheikh, il dit, si tu trouves quelqu'un, par exemple, qui est sur quelque chose, mais il ne se réjouit pas de cette chose-là, il a quelques doutes peut-être, alors là, il peut se remettre en question, il peut commencer à réaliser, peut-être qu'il s'est trompé, peut-être qu'il est sur l'erreur. Mais s'il se réjouit de quelque chose, c'est qu'il est en paix avec cette chose-là et qu'il se sent bien là-dedans, eh bien là, dans ce cas-là, c'est sûr qu'il ne va pas l'abandonner. Parce qu'il s'est réjoui de ce qu'il possédait et de ce qu'il faisait comme fausseté. Et donc, ça c'est une punition d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que celui qui abandonne la vérité, il est éprouvé par le mensonge et par la fausseté. Et celui qui abandonne l'unité et le fait de se réunir, alors il est puni par la division et par yani, les conflits, etc. Donc, il dit, tu retrouves des gens, hein, tu ne vas pas trouver des gens qui ont des divisions entre eux, et qui sont en divergence les uns avec les autres, que ce soit dans les choses de la religion ou des choses de la dunya, excepté que tu vas trouver qu'entre eux, il y a des animosités, et des conflits et de la haine, et même parfois des combats, hein, ils vont aller même jusqu'à se battre les uns les autres par la suite. Et tu vas pas trouver des gens qui sont accrochés au Coran et à la Sunna et qui sont réunis là-dessus, excepté qu'entre eux il y a l'amour, il y a l'affection, il y a le fait qu'ils se viennent en aide les uns les autres et qu'ils s'aident et qu'ils collaborent les uns avec les autres. Et ils sont comme un seul corps, hein, et yani, donc il n'y a rien qui peut vraiment nous protéger de la division et de l'égarement, excepté le fait de s'accrocher au Coran et à la Sunna. Et il n'y a pas d'unité possible, excepté si on s'unit sur le Coran et sur la Sunna. Tout ce qui est en dehors de ça, alors c'est de la division et c'est un châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. فهؤلاء الذين يريدون توحيد المسلمين كما يقولون يقال لهم إذا كنتم تريدون توحيد المسلمين وحدوا العقيدة بأن تكونوا جميعا على عقيدة التوحيد التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تتركوا الناس هذا قبوري هذا صوفي هذا شيعي وحدوا العقيدة أولا وحدوا العقيدة أولا واعتصموا بلا إله إلا الله ثم وحدوا الحكم بما أنزل الله فارجعوا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وانبذوا القوانين والأنظمة والعادات القبلية وغير ذلك وارجعوا إلى الكتاب والسنة إذا كنتم تريدون الاجتماع ووحدة المسلمين فلن يتحد المسلمون إلا على هذا إلا على وحدة العقيدة ووحدة المرجع وهو الحكم بما أنزل الله ووحدة القيادة وذلك بالسمع والطاعة لولي أمر المسلمين وهذا الذي يوحد أمر المسلمين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم ثلاثا أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. Donc le cheikh explique, pour terminer ce point, il dit, ceux aujourd'hui qui veulent unir les musulmans, comme ils disent, hein, eh bien, on doit leur dire à ceux-là, si vous voulez réellement réunir les musulmans, si vous voulez réellement que les musulmans soient unis, alors commencez par les unir sur la même aqidah, hein, sur la aqidah du tawhid, en premier, c'est-à-dire la aqidah que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a apportée. Le tawhid d'Allah, tawhid al-rububiyya, tawhid al-uluhiyya, tawhid al-asma'i wa sifat, abandonner les différentes formes de shirk et les différentes formes de croyances qui sont en opposition avec le tawhid. Et ne laissez pas les gens, chacun fait ou croit en ce qu'il désire ou ce qu'il veut. Un tel, c'est un kubouri, il adore les tombes, il adore les saints, il prie les morts, il demande l'aide des morts quand il est en détresse, il va à leur tombe, il fait des pèlerinages là-bas, il égorge et sacrifie des animaux pour eux, il leur fait des vœux, il leur demande de les exaucer. Tout ça c'est du shirk, hein, c'est du shirk majeur. Il y a des musulmans dans le monde qui font ça et qui pratiquent ça comme étant l'islam, ils pensent que c'est la religion d'Allah, alors que c'est quelque chose qui est en opposition avec l'islam, et c'est le plus grand péché que quelqu'un peut commettre, alors que l'autre il dit qu'il est soufi, hein, et qu'il croit que son cheikh connaît le raid, et qu'il prend comme intercesseur entre lui et Allah. Tout ça c'est des exemples d'égarement, et il pratique toutes sortes de bid'ah et d'égarements aussi, hein, il croit au wahdatul wujud, ou que tout ce qui existe est Dieu, et que Dieu est tout, hein, ou bien il croit à al-hulul, que Allah il rentre à l'intérieur de certains parmi les hommes et qu'il devient un avec certains hommes, comme les chrétiens croient avec par rapport à Jésus. La même chose que les chrétiens, ça se retrouve chez des gens qui se disent musulmans. Ils croient en la même chose que les chrétiens. C'est des croyances de shirk et de kufr. Ou bien un tel dit qu'il est chiite. Et il croit que les 12 descendants du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont des êtres infaillibles, qui connaissent l'invisible, qui contrôlent l'univers, et que chaque atome de l'univers, et qui croient qu'il faut insulter les sahaba, et que ce sont des kuffars, et que le Coran qu'on possède c'est pas le vrai Coran, et qu'il a été falsifié, et qu'ils adorent les morts et les tombes, Donc tout ça, on les retrouve. Maintenant aujourd'hui il y a des gens qui disent oh, il faut se réunir malgré ça. On ne parle pas d'aqida, on fait juste s'unir physiquement, on travaille ensemble sur nos projets, sur nos objectifs, sur nos buts, en tant que communauté musulmane soi-disant. Mais on ne parle pas de croyance, on ne parle pas de division des choses, des sectes et des groupes. Il y a une pluralité, le multipartisme, le pluralisme islamique soi-disant. D'où est-ce qu'ils ont trouvé ça dans le Coran et dans la Sunna? Allah subhanahu wa ta'ala dit « وَعَتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا » Unissez-vous tous, accrochez-vous tous à la corde d'Allah subhanahu wa ta'ala et ne vous divisez pas, eux ils disent le pluralisme islamique. Le pluralisme, c'est plusieurs, plusieurs groupes, plusieurs sectes, plusieurs croyances. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a laissé avec un Coran et avec sa sunna et les sahaba étaient tous sur la même aqida et tous sur le même manhaj. Et aujourd'hui on se retrouve avec 72 sectes qui prétendent, 73, une seule qui sera au paradis. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, une seule sera au paradis et les 72 autres seront en enfer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit, il y a un pluralisme des religions ou des croyances, choisissez la secte que vous aimez ou la secte que vous voulez et puis vous allez au paradis. Il a dit, il y en aura 73, il y en a 72 en enfer, il y en a une seule au paradis. Et quand on lui a demandé c'est laquelle au messager d'Allah, il a dit, c'est celle qui suit ce que je suis moi-même ainsi que mes compagnons. Donc il n'y a pas de pluralisme. Il y a de suivre le Coran et la Sunna et de s'accrocher là-dessus. Donc le cheikh il dit, si vous voulez unir les musulmans, commencez par les unir dans la croyance en premier. Et accrochez-vous à la ilaha illallah tous ensemble. Et ensuite unissez-vous tous sur le fait de juger selon ce que Allah a révélé. Dans la législation et dans les lois, et dans la constitution et dans le système. On doit revenir à ce que Allah a révélé dans la révélation, le Coran et la Sunna. Et d'abandonner et de rejeter les lois et les constitutions et les traditions et les coutumes traditionnelles ou tribales ou humaines qui ont été inventées par les hommes, de jeter ça, d'abandonner ça, que ce soit la laïcité ou les autres systèmes démocratiques ou les autres systèmes politiques qui ont été fabriqués et inventés par des êtres humains et non pas révélés par Dieu, par Allah subhanahu wa ta'ala à ses messagers, d'abandonner ça et de revenir au fait de juger selon ce que Allah a révélé dans le Coran et dans la Sunna. Ça c'est obligatoire, ça c'est une condition pour être un croyant, pour être un musulman. Et revenez au Coran et à la Sunna si vous voulez réellement vous unir et unir les musulmans. Parce que, il dit, le cheikh il dit, vous n'allez jamais être capable de réunir les musulmans, excepté sur ça. Excepté sur cette base-là. Toute union ou tentative d'union sur autre chose que sur cette base-là va échouer. Et ça c'est garanti. Donc, le cheikh il dit, vous ne pourrez jamais unir les musulmans, excepté sur le fait de s'unir sur une seule et même aqida, et de les unir sur une seule et même référence, c'est-à-dire le jugement selon ce que Allah a révélé. Et ensuite, d'unir les musulmans derrière une seule autorité, un seul dirigeant, dans l'écoute et dans l'obéissance. Bien entendu, bon, selon bien entendu, comme les choses qu'ils ont expliqué, chaque musulman dans son pays, il doit obéir au dirigeant qui contrôle ou qui dirige dans le pays où il est. Il lui doit obéissance et écoute dans ce qui est halal et dans ce qui est permis. Toutefois, si le dirigeant ordonne le haram ou ordonne de faire un péché, la ta'at al-makhlouqin fi ma'siyat al-khaliq. On ne doit pas obéir à une créature si une créature nous demande de désobéir au créateur. Donc ça, c'est les règles générales. Donc, on doit écouter et obéir aux dirigeants et aux responsables des musulmans. Et ça, c'est ce qui va, c'est ce qui va faire en sorte que les musulmans vont être unis. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit dans le hadith qu'on a expliqué, qu'on a mentionné dans les premiers cours, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, que Allah, il a créé pour vous trois choses. Que vous l'adoriez lui seul et que vous n'associez rien avec lui dans l'adoration. Deuxièmement, que vous vous accrochiez au câble d'Allah, c'est-à-dire au Coran et à la Sunna, et vous accrochiez, vous tous, vous cramponniez tous à ça, et que vous ne vous divisiez pas. Et troisièmement, et que vous donniez à celui d'entre vous à qui Allah a donné l'autorité, vous lui donniez le bon conseil et la nasiha. Ça, c'est les trois choses que Allah a agréées pour vous, et c'est ça que les musulmans doivent respecter s'ils veulent réussir à établir cette unité-là dont ils rêvent aujourd'hui. Mais malheureusement, on dirait que certains, ils font semblant de ne pas savoir qu'il y a des principes et des règles à respecter, à suivre, pour arriver à accomplir cette unité-là et cette union. On ne peut pas juste s'unir sur n'importe quoi, sinon on peut, si c'est juste le but de s'unir physiquement sur quelque chose et d'être d'accord sur quelque chose, ça c'est sûr que c'est possible, mais ce n'est pas ça qui va nous donner le succès. Qu'est-ce qui va nous donner le succès? C'est de s'unir sur l'haq. Hein? Et il y en a parfois qui mentionnent le verset dans le Coran dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. Il mentionne ce verset-là. Oh vous les gens du livre, venez vers une parole commune entre vous et nous. Et qu'est-ce qu'ils considèrent comme étant une parole commune? C'est quoi? C'est qu'on choisit une parole quelconque, n'importe laquelle, on la prend puis on se met d'accord dessus, puis on s'unit sur cette parole-là. Et c'est pas ça que le verset veut dire. Le verset veut dire, venez vers une parole commune, et cette parole commune-là, c'est quoi? C'est la ilaha illallah. An la na'buda illallah. Wa anna Muhammad Rasulullah. C'est pas juste de dire, on prend une parole. C'est pour ça que j'ai vu dernière, je pense que ça fait l'année passée ou l'année d'avant, il y a un groupe là qui a organisé des conférences, et le titre ou le thème de ces conférences-là, c'était, ta'alaw ila kalimatin sawa. Venez vers une parole commune. Et c'était des conférences organisées avec, comme des dialogues, soi-disant, de rapprochement ou de dialogue entre juifs et chrétiens et musulmans. Et ils ont même par la suite ajouté les bouddhistes et les hindous là-dedans. Et la parole commune, soi-disant, qu'ils ont marquée en dessous du titre, c'était venez vers une parole commune entre vous et nous, ils ont marqué en dessous. Amour. Donc la parole commune sur laquelle on doit venir ensemble et se mettre d'accord, c'est quoi? C'est sur l'amour, soi-disant. Et après, ils ont marqué le mot amour en toutes les langues, hein, en arabe, en français, en italien, en chinois, en coréen, en inuit, en toutes les langues que tu peux imaginer, ils l'ont marqué dans, et de différentes couleurs, puis pour dire, bon, on fait des conférences de soi-disant de rapprochement, de dialogue, on met de côté nos différences et nos principes qui ne sont pas en accord ou qui ne vont pas ensemble, c'est-à-dire, et on laisse ça de côté, puis on s'unit sur l'amour. Yani, c'est quoi ça? Hein? Ça, c'est la da'wa des soufiyines. Ça, c'est les soufis qui appellent à ça. Ils appellent les musulmans à s'unir sur, soi-disant, sur l'amour, avec, de s'unir avec qui? Avec les mouchriquines, avec les kuffars. De laisser de côté le tawhid, de laisser de côté la foi en le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et la foi en le Coran comme si c'était des détails insignifiants et que c'était des choses qui nous divisent, de laisser ça de côté et de se réunir sur d'autres valeurs universelles, soi-disant selon ce qu'ils prétendent, qui sont l'amour, le respect, l'égalité, la justice, la liberté. On va s'unir là-dessus. On va laisser de côté tous les fondements de l'islam qui nous divisent avec les autres peuples, ou les autres croyances, ou les autres religions, ou les différentes sectes. Et ça, c'est une déformation totale des principes et des fondements même de la religion de l'islam. Donc qu'Allah nous préserve de l'égarement de ces gens-là qui prétendent vouloir appeler au bien et unir les gens, mais alors qu'ils sont en train de les appeler à la base même de la division et à la base même de l'égarement. Donc nous on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah, puis on continuera ce livre samedi prochain, bi'idhnillah. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته